Chapitre 3e. Monsieur Samuel Fite occupait une des plus belles cabines du König Harald, la cabine de luxe numéro 29, laquelle était située à bâbord, à gauche, sur le pont promenade, bien en vue. Aussi, les premières paroles du commandant du paquebot suédois manifestèrent-elles une grande stupeur. « Dans sa cabine, poignardée, ce n'est pas possible » articula-t-il, le gosier serré. « Dans son lit, même, commandant, » précisa le maître d'hôtel. Le capitaine Hansen fit entendre un effroyable blasphème. « C'est bien, j'y vais, prévenez le commissaire. » Et se tournant vers l'officier de quart, qui par discrétion s'était éloigné de quelques pas, il grommela. « Monsieur Rankiold, veuillez recevoir le pilote. Je reviendrai dès que je le pourrai. Je vais sur le pont promenade, à la cabine de luxe 29. 29, vous entendez ?»« Oui, commandant. » Hansen, ayant enfoncé d'une vigoureuse tape sa casquette galonnée, poussa le maître d'hôtel vers l'échelle de la passerelle qu'il dégringola derrière lui. Le commissaire et le médecin du paquebot se trouvaient déjà dans la cabine 29 lorsque le commandant du König Harald y arriva. Hansen, en trois bonds, fut aux côtés du docteur. « Il est mort » grommela-t-il. « Non, commandant, mais il n'en vaut guère mieux. Il a presque perdu tout son sang. Je crois le cœur touché. » Hansen ne répondit pas. Il se pencha sur le blessé. Celui-ci était étendu sur le luxueux lit de cuivre et avait déjà l'apparence d'un cadavre, avec sa bouche entr'ouverte, ses mâchoires distendues, ses yeux mi-clos et sans reflet. Samuel Fite était revêtu d'un splendide pyjama de soie jaune et violette, presque complètement teint de son sang, ce qui indiquait qu'il avait été poignardé et éveillé. Aucune trace de lutte, tout était à sa place dans la cabine. Le capitaine Hansen hocha la tête. « Comment a-t-on découvert le crime ? » demanda-t-il en se tournant vers les assistants. « C'est le garçon Yastrom, » expliqua le commissaire. Monsieur Samuel Fite lui avait ordonné de le réveiller en vue de Sandy Hook. Yastrom, qui espérait un bon pourboire, ne s'est donc pas couché, et tout à l'heure il est venu frapper à la porte de la cabine. « Il y a longtemps de cela ? » interrompit Hansen. « Oh, c'est facile à savoir, commandant. Deux ou trois minutes après que l'homme de Beaussoir a fait tinter la cloche du gaillard pour annoncer l'apparition du phare de Sandy. C'est-à-dire il y a 20 minutes environ. Docteur, croyez-vous que l'attentat ait été commis il y a longtemps ? Il y a certainement plus d'une heure, affirma le médecin. C'est facile à constater d'après la quantité énorme de sang perdu par le blessé. S'il pouvait parler au moins. Je vais lui faire quelques piqûres. Cela le ranimera peut-être 2 ou 3 minutes, mais je n'en suis pas sûr. Faites, ordonna Hansen, qui s'adressant de nouveau au commissaire, reprit. Ensuite, vous en étiez lorsque le garçon Yastrom était venu frapper à la porte de la cabine de M. Fite. Eh bien, commandant, il n'en reçut pas de réponse. Et ce fut, après avoir cogné plusieurs minutes, qu'il se décida à entrer. Vous comprenez, il craignait que M. Fite n'ait pas entendu et ne voulait pas s'exposer à perdre son pourboire. Donc il entra, car la porte n'était pas fermée à clé, et il appela de nouveau, sans recevoir d'autres réponses. Il craignait que M. Fite n'ait pas entendu et ne voulait pas s'exposer à perdre son pourboire. Donc il entra, car la porte n'était pas fermée à clé, et il appela de nouveau, sans recevoir d'autres réponses. Il pense alors que M. Fite était sans doute déjà levé, et pour s'en assurer, tourna le commutateur de la lampe électrique, commutateur que vous voyez près de la porte, car la cabine était dans l'obscurité. C'est alors qu'il vit que M. Samuel Fite était renversé dans un fauteuil, la tête pendant sur sa poitrine. Affolé, il courut me prévenir, et j'envoyai immédiatement le maître d'hôtel vous aviser. « Mais le blessé dans son lit, c'est moi qui l'y ai fait coucher, commandant, » expliqua le médecin. « Et le poignard, le couteau qui a servi à commettre le crime, où est-il ? » grogna Hansen. « Le meurtrier l'a sans doute emporté, » hasarda le commissaire. « Non, le voilà !» s'écria le maître d'hôtel en désignant un large couteau de matelot tout verni de sang qui gisait sous une chaise. Déjà il se penchait pour le ramasser, mais le capitaine du König Harald le retint. « Que personne ne touche à ce couteau » ordonna-t-il. « Vous entendez, monsieur Larfest ? Il porte peut-être les empreintes de l'assassin. Je vous rends responsable de l'exécution de cet ordre. »« J'ai bien compris, commandant, » déclara le commissaire. « Et le garçon Yastrom, où est-il ? » ?»« Dans ma cabine, » fit le commissaire, « prêt à répondre à vos questions, capitaine. Je l'ai... »« Je crois que le blessé revient à lui. » coupa le docteur du paquebot à mi-voix. Le capitaine Hansen tressaillit et se pencha vers le lit. Samuel Fite venait de frissonner. Ses yeux gris, lentement, s'ouvraient. Ses lèvres remuèrent doucement, sans qu'aucun son n'en sortît. Aidé par le médecin qui avait passé une de ses mains derrière son dos, il parvint cependant à se dresser un peu. Un hoquet le secoua. « Connaissez-vous ? » commença le capitaine Hansen. « Lord Stamford is... » articula Samuel Fay d'une voix rauque à peine perceptible. Et de nouveau, un violent hoquet le fit se convulser. Sa tête retomba sur sa poitrine, cependant que, de sa bouche restée ouverte, un filet de sang coulait. « Mort. Il est mort, commandant. » fit le docteur du paquebot en retirant le bras avec lequel il soutenait l'Américain. « Il n'y avait rien à faire, d'ailleurs, et... « Lord Stamford ?» s'écria Hansen, sans même entendre le médecin. « Allez veiller le premier officier. Qu'il prenne quatre hommes et qu'il consigne Lord Stamford dans sa cabine. C'est clair, c'est lui l'assassin. Quelle histoire. Enfin, on va savoir quelque chose de tout ce mystère du portefeuille. Hé, maître d'hôtel !» Le maître d'hôtel, qui au premier mot du commandant du König Harald s'était précipité vers la porte de la cabine, s'arrêta net. « Et dites aussi qu'on m'a mis Heublich sur la passerelle. Je ne m'étonnerai pas qu'il soit pour quelque chose dans tout ceci. Ah, quel métier !» Le maître d'hôtel, déjà, était sorti. Hansen allait l'imiter, lorsque le commissaire, qui paraissait très agité, fit un mouvement vers lui et murmura. « Commandant, Lord Stamford, c'est un personnage considérable. Avant de procéder, il faudrait... » Le capitaine Olaf Hansen était à bout de patience, de prudence et de diplomatie. « Qu'il soit ce qu'il veut » grommela-t-il, « je m'en moque. Vous avez entendu comme moi, et comme le docteur que Samuel Fayt, avant de mourir, l'a clairement nommé. La justice appréciera, dès que nous serons à quai. Je n'ai rien à savoir d'autre. Je vous prie d'établir le procès-verbal de ce qui vient de se passer et de préparer les scellés, qui seront placés sur les bagages du mort. Au surplus, nous serons à New York dans quelques heures. La justice américaine se débrouillera. Quel voyage, quel voyage !» Et le digne capitaine Hansen, après un soupir assez puissant pour faire tourner une turbine, quitta la cabine et à grands pas marcha vers la passerelle. Le pilote n'était pas encore à bord. Son bateau venait à peine d'être signalé. En attendant qu'il arrivât, Hansen interrogea le cuisinier Teublich sur son emploi du temps au cours de la nuit. Teublich, toujours très calme, n'eut pas de peine à établir, par le témoignage des autres cuisiniers logeant dans le poste, qu'il n'avait pas quitté sa couchette depuis la veille à 10 heures du soir. Or, de nombreuses personnes, dont le docteur, avaient constaté que Samuel Fayt avait quitté le fumoir à 11 heures passées. Teublich ne pouvait donc être l'assassin. « Enfin, morale de tout cela, mourrait-il, c'est que je n'en ai pas encore fini pour avoir mon portefeuille, maintenant que M. Fayt est mort. « Votre portefeuille, c'est à voir, » fit Hansen impatienté. « En admettant que ce ne soit pas celui de M. Fayt, rien ne prouve qu'il est à vous, au contraire. » Car un simple cuisinier n'a pas pour habitude de posséder ni d'emporter avec lui plus de 11 000 $. C'est ce que vous n'avez pas apprécié, siffla Teublich. Mais il y a des juges à New York. Ils comprendront, eux, qu'un cuisinier peut être assez honnête pour inspirer confiance à des amis qui l'ont chargé de leur acheter des valeurs américaines. Vous, assez, allez vous coucher, trancha Hansen hors de lui. Sans hâte, le cuisinier quitta la passerelle. Le bateau du pilote n'était plus qu'à 2 000. Hansen dut s'occuper de la manœuvre. Le König Harald accosta le pier de New York dans la matinée. La police, prévenue par TSF, monta immédiatement à bord. L'officier de justice chargé d'enquêter commença naturellement par entrant dans le rapport du capitaine Hansen. Ceci fait, car c'était un homme méthodique, il prit les choses par le commencement et voulut avant tout éclaircir la bizarre affaire du portefeuille. Mais l'on fouilla en vain le paquebot pour faire comparaître le cuisinier Teublich. Il avait disparu.